Portrait d'assaut sur Fadjet. SOS Racisme, c'est une association nationale qui existe maintenant depuis plus de 40 ans. C'était en 1984, 40 ans de lutte contre les discriminations et contre le racisme, bien sûr. Depuis octobre 2024, il y a de nouveau un comité actif à Nancy. Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SOS Racisme en Lorraine ? Tout à fait. Comment vous définiriez SOS Racisme aujourd'hui ? Eh bien, SOS Racisme, c'est une association nationale qui est inscrite dans le paysage du militantisme français depuis, comme vous l'avez précisé, 40 ans. Elle agit en faveur de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Elle a pour vocation de sensibiliser le public et de protéger les droits des personnes. Merci Gauthier pour cette première présentation. En studio, il y a aussi Shaïba et Maëva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux en stage à Fadjet et vous n'hésiterez pas à prendre la parole si vous avez une question pour Gauthier. Gauthier, votre engagement au sein de SOS Racisme, il a commencé quand ? Alors, il a commencé d'une manière assez fâcheuse puisque j'ai moi-même été victime d'une agression à caractère raciste et homophobe en 2023. Bien évidemment, quand on subit ce genre de choses, eh bien, ça nous transforme, ça marque mentalement et physiquement. Donc on va dire que ça a été le catalyseur de mon engagement. Bien que par le passé, j'ai quand même fait partie de plusieurs associations, j'étais quand même impliqué dans la vie locale, comme au Conseil Nancéen de la Jeunesse ou au Rotaract. Donc ça m'a permis en fait, d'apprendre à mobiliser et à mener des projets collectifs. Et de votre expérience, donc, vous avez voulu la transformer en quelque chose de positif, constructif, d'aller vers les autres et de témoigner ? Tout à fait. Ben, en fait, pour moi, il était juste hors de question de rester dans une posture de victime. Je me suis dit que ce genre d'expérience me permettait de encore mieux comprendre à quel point il était important d'être soutenu, écouté et accompagné. Donc ça me permet en fait, d'être au plus proche de la réalité des victimes. SOS Racisme, vous connaissiez déjà cette association ? Oui, parce que c'est une association très populaire. Enfin, je connaissais surtout le slogan « Touche pas à mon pote ». Oui. Et on en parlait beaucoup à l'époque au collège. Après, à Nancy, je connaissais pas, mais après, elle avait un peu disparu du paysage. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé mon engagement et par la suite, je suis devenu président du comité. Shaïma et Maëva, vous connaissiez cette association ? Pour ma part, oui, je la connaissais déjà avant. Plus de noms, je savais qu'on en parlait. Et puis même à la télévision, on en parlait aussi, donc... Maëva ? Pour ma part, le nom SOS Racisme, je ne connaissais pas, mais le slogan « Touche pas mon pote », oui, c'est quelque chose voilà, que j'ai entendu parler. Ça a marqué plusieurs générations. Aujourd'hui, ce combat, il est toujours réel, concret ? Bien sûr, et j'ai l'impression que maintenant, plus que jamais, au vu des derniers rapports. En fait, ce qui est complexe avec le racisme, les discriminations en tout genre, c'est que parfois c'est visible et parfois c'est insidieux. Notre travail consiste justement à détecter ces injustices et les révéler afin de sensibiliser les personnes et qu'ils prennent conscience de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que vous avez remarqué une hausse des signalements ? Est-ce qu'il y a vraiment un retour considérable depuis le retour de SOS Racisme à Nancy ? Alors on a énormément de témoignages et justement ça aussi ça faisait partie d'une problématique parce que les chiffres on ne peut pas vraiment s'y fier puisque énormément de personnes n'osent pas porter plainte, parfois par honte, parfois parce que justement ils savent que la judiciarisation ça peut être un processus très très long et très lourd aussi psychologiquement, donc c'est vrai que les gens ont tendance à renoncer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le travail des SOS Racisme aussi consiste à amener ces gens à parler et à refuser de subir. Je me demandais comment vous accompagnez des personnes, par exemple, qui ont subi un acte racisme, une agression, et qui se dirigent vers SOS Racisme. Quel est l'accompagnement qu'ils ont, en fait ? Bien, en premier lieu, on leur fournit une cellule d'écoute. Et ensuite, on les accompagne donc au niveau juridique. Donc, ils sont pris en charge par des juristes et des avocats pour pouvoir, justement, faire valoir leurs droits. Est-ce que vous les... soutenez à porter plainte, par exemple ? Ah, on les pousse à porter plainte, oui. C'est, en fait, de toute façon, parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que s'ils portent plainte, eh bien, du coup, les chiffres augmentent. Si les chiffres augmentent, eh bien, ça redevient au cœur du débat public. Et si ça redevient au cœur du débat public, eh bien, il y a des lois qui sont renforcées pour justement faire cesser ces comportements déviants. Du coup, ils ont un accompagnement juridique, c'est à titre gratuit. Ils sont accompagnés de A à Z, parce que ça peut être aussi une des raisons, je pense... Non, tout à fait, c'est une prise en charge intégrale. Quand c'est dans le cas qu'ils ne veulent pas porter plainte ou qu'ils ont un peu une résistance face à ça, vous agissez comment à ce moment-là ? Vous les laissez juste ? Bien, on respecte le fait qu'ils ne veulent pas porter plainte, mais En tout cas, on les incite aussi à sensibiliser autour d'eux parce que, par exemple, c'est pas parce qu'une personne est forte elle-même qu'elle a envie de voir ce qui lui est arrivé, arriver à d'autres personnes autour, ce qui est mon cas. C'est pour ça que je parle dans mon expérience parce que moi, pour ma part, je suis quelqu'un de résilient. Et donc, quand ça m'est arrivé, bien que ça m'ait marqué, mais je me suis dit, je dois avancer, je dois transformer aussi cette chose en quelque chose d'utile. Et parce que je sais que j'ai de la famille, j'ai des petits cousins à qui je ne voudrais que ça n'arrive pas. Et puis, en fait, tout simplement, les gens en général. C'est-à-dire que pour moi, je me suis dit, tout le monde n'est peut-être pas comme moi et j'ai pas forcément envie de voir des innocents qui sont attaqués par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils incarnent intrinsèquement et blessés dans leur intégrité. De quelle manière, concrètement, vous pouvez agir aujourd'hui, que ce soit à Nancy ou au niveau national, mais plus particulièrement au niveau local? Alors, au niveau de l'association, nous avons trois grands axes. On a l'axe d'éducation populaire, donc qui consiste en des ateliers de sensibilisation au sein d'écoles ou de centres sociaux, parfois en entreprise. On a également des accompagnements juridiques, donc qui passent par des permanences, qui permettent d'accompagner les victimes dans leur démarche, dans le processus judiciaire. Et nous avons aussi la mobilisation citoyenne. Et donc ça passe par des événements, des conférences, des tables rondes. Le racisme, enfin tout ce qu'il y a autour du racisme et des discriminations, nous n'avons pas spécialement envie d'être dans la réaction, mais surtout dans la prévention, dans la sensibilisation. Vous parliez d'école, on peut aborder ces questions-là à partir de quel âge? Je pense qu'on peut aborder ces questions-là à partir du plus jeune âge, je pense surtout en primaire. Oui. Parce que ça commence à partir de ce moment-là. Bien que les enfants ils sont pas souvent conscients, ils répètent ce qu'ils vont entendre, que ça soit dans leur famille ou sur les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, il y a une pullulation des messages et des discours haineux dans les médias également. Donc c'est pour ça que c'est important de faire prendre conscience aux enfants que chacun mérite d'être respecté et reconnu dans sa dignité. On parlait des réseaux sociaux, tout ça, parce que depuis 40 ans, les choses ont bien changé, la manière de prévenir et tout ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il était plus facile ou plus difficile de sensibiliser les nouvelles générations avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, et d'essayer de leur faire voir autre chose que ce qui se passe sur leur écran et de voir la réalité? Est-ce que vous trouvez ça plus difficile maintenant? C'est pas évident. C'est pas évident parce que aujourd'hui, avec les intox, les fake news, tout ce qui est l'IA, etc., donc c'est difficile de leur faire décrypter le vrai du faux. Après, si c'est utilisé à bon escient, ça peut être un outil qui est quand même remarquablement utile parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une actualisation parce que on communique plus de la même manière. Par exemple, aller distribuer des tracts dans la rue ou lorsqu'on intervient dans les écoles, on a une autre façon de communiquer avec les jeunes pour que ça soit plus percutant pour eux. Donc c'est vrai que utiliser à bon escient, oui, ça peut être plus facile, mais ça reste quand même très complexe. Il y a un domaine où le racisme revient souvent au niveau de l'actualité, c'est le domaine du sport. Récemment, vous avez signé avec plein de clubs de sport un engagement. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est One Team. Oui, tout à fait. Donc, c'est une charte d'engagement contre les discriminations dans le sport. Donc, c'est un projet que j'ai moi-même porté par rapport à mon expérience personnelle, puisque moi, j'avais été agressé par des supporters de la SNL. Et donc, comme nous le savons, le sport peut être justement un vecteur de cohésion sociale. Et je me suis dit qu'il était important de faire quelque chose à ce niveau-là pour protéger au sein des clubs les joueurs, les supporters et remettre un peu, on va dire, au cœur des discussions les valeurs de la République. Donc par ce projet, nous avons renforcé la tolérance zéro face à toute forme de discrimination, face à toute forme de violence. Et nous avons réuni tous les clubs professionnels du Grand Nancy. Maintenant, il y a aussi également les clubs amateurs, les politiques et puis tout le tissu associatif. Donc ça consiste en une communication commune, ça consiste également en l'organisation d'événements en commun pour justement sensibiliser. Et il y a aussi plusieurs règles qui rentrent en vigueur pour sécuriser et pour s'assurer du bon développement de chaque événement. Et concrètement, quelle forme va prendre cet engagement sur ces événements sportifs ? Alors ça se passe de façon permanente. Justement aussi, ce qui était important, c'était de mettre en exergue le fait que les discriminations, bon, c'est pas juste une seule journée. De un, de deux, ça concerne tout le monde. Parce que moi, comme j'explique aux enfants, souvent la discrimination dépend de l'imagination de ceux qui les pratiquent. Donc à chaque événement, si vous voulez, on peut observer la présence du brassard. Il y a la diffusion également d'une vidéo qui avait été tournée, donc c'est un clip, qui avait été tourné par les ambassadeurs de chaque club, parce que au sein de chaque club, nous avons un athlète qui représente son club et qui parle qui propagent la bonne parole, on va dire, lors des événements. Et donc du coup, il y a une vidéo qui est très sympa, qui a été réalisée et qui est donc diffusée à chaque événement sportif. Donc ça, c'est déjà une belle réussite. Oui. Il y a d'autres actions que vous aimeriez mettre en place aujourd'hui ? Oui. Alors juste pour préciser, parce que nous sommes quand même la première métropole à avoir réuni tous les clubs sportifs autour de la thématique des discriminations. Donc oui, c'est très important et c'est une fierté que nous portons. Et alors au niveau de d'autres événements, bon, nous avons un événement qui se tiendra le 21 avril prochain, donc sur la place Stanislas, en partenariat avec Valentin Bourrel, qui est le fondateur du Blabla Run. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un footing hebdomadaire accessible à tous, sans compétition. Et donc, ça commencera à partir de 18h. Et donc, c'est pareil, un événement qui va permettre de favoriser le partage, l'inclusion et le vivre ensemble. Nous sommes convaincus que la lutte contre les discriminations passe par des initiatives collectives, inclusives et accessibles à tous. Faut en parler, faut surtout écouter, parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est de comprendre l'autre. On peut pas être dans un débat où on explique aux gens comment ils doivent agir. On doit aussi comprendre d'où ça vient, quelle est la racine, pourquoi. Est-ce que c'est lié à une expérience personnelle? Est-ce que c'est lié à des croyances? Est-ce que c'est lié à de la peur, de l'ignorance? Donc ça, tout ça, ça nous permet en fait, par l'écoute, en fait, de pouvoir mieux expliquer et mieux inculquer, éduquer les personnes. Donc on pourra bien sûr aller à votre rencontre à l'occasion de cette Blabla Run, le 21 avril, à partir de 18h, hein, c'est ça, à peu près. On pourra courir aussi, oui, n'est-ce pas, Shaima et Maïva? Oui. Et ensuite, il y a même donc l'After Run, donc dans un nouveau bar qui est sur la place Stanislas, qui s'appelle l'Opalinska, voilà, pour un moment un peu plus convivial. Donc ça, c'est un premier geste qu'on peut faire pour venir à votre rencontre. Comment on peut vous aider aussi, SOS Racisme Lorraine? En fait, chacun peut agir. Donc pour cela, il suffit simplement même de s'informer, de soutenir, de dénoncer. Donc parce que ça passe par ces choses-là. Il n'y a que ensemble qu'on peut réellement faire la différence. Merci beaucoup, Gauthier. Si on veut vous suivre aujourd'hui, comment fait-on? Eh bien, il y a les réseaux sociaux, donc la page Facebook qui est SOS Racisme Lorraine et la page Instagram qui est SOS R Lorraine. Et on vous retrouve le 21 avril, place Stan. Tout à fait. Merci Gauthier. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.